vous intéressez à l'espace, vous avez certainement vu passer ces dernières semaines un article titre assez vertigineux, publié dans l'hebdomadaire britannique The New Scientist, titré ainsi « Nous avons peut-être détecté un univers parallèle qui remonte le temps ». Face à ce type de titre et dans ce type de magazine usuellement assez sérieux, notre sang n'a fait qu'un tour. L'article s'appuie sur la détection à deux reprises d'un neutrino de très haute énergie qui, au lieu de venir de l'espace, proviendrait de la Terre. Or, ce type de particules très énergétiques aurait dû être absorbé par notre planète. Serait-ce la preuve d'un anti-univers d'antimatière créé au moment du Big Bang ? L'hypothèse est tout aussi séduisante que fragile. Anti-univers de l'autre côté du Big Bang, c'est le programme inverse qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et pour évoquer d'abord et avant tout ce que sont ces mesures atypiques et comprendre ce qu'il est éventuellement possible d'en inférer, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui et à distance comme chaque jour, Gwenaëlle de Wessège, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes post-doctorante au laboratoire Astroparticules et Cosmologie, affiliée à l'Université de Paris et membre de l'expérience KM3Net dont nous parlerons tout à l'heure. Et Antoine Kouchner, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur également à l'Université de Paris, directeur du laboratoire APC et membre de l'Institut universitaire de France. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, il va être très largement question de neutrinos dans cette émission. L'occasion de se replonger dans l'archive du jour, dans notre compréhension de ce que sont ces particules et surtout la compréhension que nous en avions il y a 50 ans. Écoutez, c'est un extrait de l'Université radiophonique diffusé sur la radiodiffusion française en 1963. En premier lieu, le neutrino doit être électriquement neutre. En second lieu, son moment angulaire doit être égal à 1/2 en unité élémentaire. En troisième lieu, il doit avoir une masse égale à 0 ou tout au plus égale au millième de la masse de l'électron. Ces caractéristiques ne sont pas extraordinaires. On connaît déjà une autre particule sans charge électrique, le neutron par exemple. L'électron, comme le proton et le neutron d'ailleurs, a lui aussi un moment angulaire égal à 1/2. Et la masse du photon est, elle aussi, nulle. La seule particularité vraiment originale du neutrino est la faiblesse de son interaction avec la matière. Évidemment, il doit bien avoir une certaine faculté d'interaction, sans quoi il ne pourrait pas être produit. D'après les taux des désintégrations produites par des neutrinos tels qu'on peut les observer, il est possible de dire que des neutrinos à ce degré d'énergie peuvent traverser en moyenne 10 milliards de kilomètres de plomb sans réagir avec les atomes. Par comparaison, des photons de haute énergie pénètrent en moyenne à 1 cm et des protons ou neutrons de haute énergie environ à 15 cm. C'est cette faiblesse d'interaction du neutrino qui caractérise le problème de sa détection expérimentale. D'un côté, la mise en évidence du neutrino est rendue bien plus difficile puisqu'elle ne peut se faire que par son interaction avec la matière. Mais d'autre part, elle est aussi facilitée car il est aisé d'intercepter toutes les autres particules par une épaisseur de matière suffisante pour ne laisser passer que les neutrinos. Voilà cette définition du neutrino. Nous sommes en 1963. Quel est votre sentiment par rapport à cette définition ? Est-ce qu'il y a des choses à corriger, à apporter, à préciser peut-être, Antoine Kouchner ? Mais écoutez, j'ai trouvé que c'était très clair. Je ne sais pas si on sera capable d'être aussi clair. Je ne suis pas certain qu'il faille apporter beaucoup de précision. Moi, j'ai surtout relevé ces chiffres qui sont très impressionnants, hein, de cette capacité, la distance que les neutrinos peuvent parcourir sans être arrêtés dans du plomb. Et je crois que c'est vraiment ce type de propriété qui nous intéresse pour faire de l'astronomie et pour sonder l'univers sur des distances cosmologiques. En même temps, il a bien été précisé que du coup, il est très difficile de les détecter et qu'il faut une masse évidemment gigantesque, d'où des détecteurs extrêmement grands qu'on est en train de construire. Gwenaëlle de Wessège, un commentaire sur cette archive. Alors, j'ajouterais que on a en fait fait beaucoup de chemin depuis les années 60 et que le neutrino est un peu plus mystérieux que cette dame semble le dire, puisqu'on ouvre un tiroir et en fait on découvre encore plus de mystères autour de ce neutrino et encore plus de propriétés à étudier. Un exemple concret, Dans l'archive, nous avons entendu que le neutrino avait une masse nulle. On sait aujourd'hui que c'est faux. La masse est très petite, mais elle est non nulle. Donc voilà, le neutrino regorge de plein de mystères et c'est le pourquoi on l'étudie encore aujourd'hui. Alors on va revenir rapidement hein, pour poser un peu les termes du débat qui va nous occuper tout au long de cette heure sur l'actualité qui nous a donné envie de faire cette émission et ce titre, hein, je le précisais dans l'introduction, The New Scientist, qui est un journal de vulgarisation britannique assez prestigieux, qui en général ne cède pas trop au titre un peu facile et un peu accrocheur, qui a donc titré, voilà, nous avons peut-être détecté un univers parallèle qui remonte le temps. Alors, avant d'en arriver à cette hypothèse et non pas à cette conclusion, peut-être un mot sur les détections et sur ce qui a permis, ou en tout cas ce qui amène à ce type d'hypothèse, Antoine Kouchner. Oui, écoutez, merci. En effet, le titre est assez sensationnel. Je pense, ceci dit, qu'il n'y a pas beaucoup de risques parce qu'on va avoir du mal à vérifier cette hypothèse d'anti-univers qui nous est parallèle. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, ce qui a conduit à faire cette potentielle affirmation, c'est en fait l'observation de deux événements qu'on peut qualifier d'anomalies par le détecteur ANITA. Et c'est effectivement un détecteur qui est conçu pour regarder des neutrinos d'extrêmement haute énergie. Mais qui sont des neutrinos qui, dans le modèle standard de la physique des particules qu'on connaît, doivent être rasants parce qu'ils ont une telle énergie que, contrairement à ce qu'on vient de dire, en fait, ils interagissent, ils ne peuvent pas traverser la Terre. Parce que c'est vrai que les neutrinos interagissent très faiblement, mais plus leur énergie augmente et plus leur probabilité d'interagir va augmenter également. Donc, il est conçu pour regarder des neutrinos horizontaux. Or là, il a détecté des événements qui sont suffisamment inclinés pour qu'ils aient dû traverser des distances conséquentes dans la Terre, au moins 5000 km, ce qui, à ces énergies, est rigoureusement impossible du point de vue du modèle standard. Et c'est là que les choses se compliquent, puisque du coup, il faut en appeler à quelque chose de nouveau. Et ce à quoi il est fait allusion ici, c'est la préexistence dans la Terre de particules qui ne sont pas des neutrinos, mais qui pourraient, enfin si, qui sont des neutrinos, mais d'un autre type, qui se désintègrent en les neutrinos qui ont été observés par ANITA. Et la préexistence, en fait, de cette particule à l'intérieur de la Terre, eh bien, corroborerait un modèle qui avait été fait indépendamment, et modèle suivant lequel, en fait, il y aurait une certaine symétrie respectée dans l'univers, et cette symétrie aurait pour conséquence que, à la création de notre univers, un autre univers, miroir en quelque sorte, fait d'antimatière, aurait été créé également. Voilà, d'où l'enchaînement d'idées. Vous voyez, vous l'avez parfaitement résumé. Je vais juste préciser que ANITA, c'est l'acronyme pour Antarctic Impulsive Transient Antenna. Donc, c'est un ballon qui est à 37 km, enfin, un ballon très, très technologique et qui mesure la très haute atmosphère à 37 km d'altitude et qui a effectivement fait deux détections en 2006 et en 2014. Est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'on peut dire, Gwenaëlle de Wasseche, que ces deux détections de neutrinos à très haute énergie sont effectivement, alors on peut peut-être pas affoler la communauté scientifique et des physiciens des hautes énergies ou des physiciens des particules, mais en tout cas, reste aujourd'hui un point d'interrogation assez sensible. Alors je pense qu'il faut d'abord mettre les choses bien à plat et revenir sur l'observation faite par ANITA. Donc comme vous l'avez dit, ANITA, c'est un ballon gigantesque, on parle de la taille d'un stade de foot, qui va transporter toute une série d'antennes radio qui vont pouvoir donc détecter des ondes radio, les mêmes que celles que vous émettez aujourd'hui pour cette émission. Et donc, le signal perçu par ANITA, en fait, c'est un signal qui a pu être reconstruit comme montant, donc qui en direction de la glace, mais avec les caractéristiques d'une gerbe atmosphérique que ANITA détecte couramment, qui, elle, serait descendante. Et donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, la première hypothèse, forcément, puisque le signal vient du bas et aurait dû traverser plus de 5000 km de Terre, comme Antoine Kouchner l'a dit, c'est forcément le neutrino. Donc, Voilà, c'est l'hypothèse la plus facile, mais derrière ça, il y a aussi pas mal d'autres hypothèses beaucoup plus classiques que le modèle qui a été mentionné, où là, on a besoin de nouvelles physiques et de nouvelles particules pour expliquer cette observation. Et on va examiner évidemment toutes ces hypothèses, mais avant cela, peut-être qu'on va reprendre un peu et repartir des bases, s'interroger sur ce qu'est un neutrino, pourquoi on les étudie, comment on les étudie et pourquoi ces neutrinos de haute énergie sont si particuliers, en tout cas avec cette incidence et cet angle-là. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous parlons donc de ces détections étranges faites dans l'Antarctique de deux signaux qui correspondraient donc à deux neutrinos de haute énergie et qui, voilà, si on pousse un peu l'hypothèse comme vient d'expliquer Antoine Kouchner, pourrait nous permettre d'envisager éventuellement l'existence d'un anti-univers à l'origine du Big Bang. On va reprendre tout ça dans l'ordre, on va vous expliquer pourquoi et comment, par quel biais et par quel chemin intellectuel et scientifique on arrive à ces hypothèses, en compagnie donc d'Antoine Kouchner et de Gwenaëlle de Wasège. Et pour reprendre, depuis le début, on a entendu la définition qui était donnée tout à l'heure dans notre archive de 1963, mais les neutrinos, est-ce que vous pouvez nous redire l'un et l'autre exactement ce que c'est que cette particule assez étrange qui interagit peu ou pas du tout, qui n'a pour ainsi dire quasiment aucune masse ou très peu, qu'est-ce que c'est que cette particule par rapport au modèle standard de la physique des particules, comment il s'insère à l'intérieur, Antoine Kouchner? Alors, il faut distinguer peut-être parmi les neutrinos trois familles. En fait, dans la matière ordinaire que vous connaissez l'électron et puis vous connaissez les composants du noyau atomique, qui sont les quarks. Et il y a également, associé à cette première famille de particules, un neutrino électronique. Simplement, il y a aussi deux autres familles de particules qui sont des particules instables et plus lourdes. Et comme elles sont plus lourdes, elles peuvent se désintégrer dans les particules que je viens d'évoquer de la première famille. Et dans ces deux autres familles, donc la deuxième et la troisième, il y a aussi des neutrinos. Et donc on les distingue en disant qu'il s'agit de neutrinos électroniques parce qu'il est associé à l'électron, ou le neutrino muonique parce qu'il est associé donc à ce cousin de l'électron qu'on appelle le muon et qui est instable et plus lourd, et le neutrino toïque qui fait partie de la troisième famille associée au cousin de l'électron et du muon qui est plus lourd et qui s'appelle le tau et qui se désintègre encore plus vite. Et donc ce sont des particules dont nous sommes assez familiers, elles font vraiment partie du modèle. Là où effectivement il y a une précision importante à donner, c'est que ces particules n'ont pas de charge électrique, les neutrinos, c'est pour ça qu'on les appelle les petits neutres, hein, en italien neutrino, et elles interagissent que faiblement, c'est-à-dire à travers un couplage avec les médiateurs de l'interaction faible. Vous savez qu'il y a quatre grands types d'interactions, et l'interaction faible, eh bien effectivement, elle a peu d'intensité. C'est ce qui permet aux neutrinos de parcourir ces six grandes distances sans interagir. On y reviendra, mais un point important et que Gwenaëlle a déjà précisé, c'est qu'en réalité, contrairement à ce qui était postulé au départ, le neutrino dans le modèle standard ne devait pas avoir de masse. Et en réalité, il y en a une par un phénomène, on l'a mis en évidence par un phénomène dont on reparlera sans doute, qui est les oscillations. Et le fait que le neutrino ait une masse a déclenché tout un tas de réflexions et ouvre des portes justement sur de la physique qui va au-delà de notre modèle actuel. Et on y reviendra, mais dans le domaine, disons dans le cadre de cet univers parallèle qu'on évoque, il est question des masses des neutrinos et du mécanisme qui offre une masse aux neutrinos qui serait différent du mécanisme classique qui fait appel au boson de Higgs, dont je suis certain les auditeurs ont déjà entendu parler. Absolument. Peut-être qu'on peut justement préciser cela. Pourquoi est-ce que c'est si important, Gwenaëlle de Wasège, ces oscillations du neutrino, et pourquoi ces oscillations font que effectivement sa masse n'a pas exactement la même nature que la masse des autres particules qui passent, comme vous pouvez nous le réexpliquer d'ailleurs, grâce par l'intermédiation du boson de Higgs? Alors, dans le modèle standard, il n'y a pas de terme prévu dans cette grande théorie pour donner une masse au neutrino. C'est pour ça que, dans l'archive qu'on a entendu, on suppose que la masse du neutrino est nulle. On remonte maintenant dans quelques années en arrière par rapport à aujourd'hui. De nouveau, des résultats d'expérience qui ont amené les scientifiques à remettre en question deux choses, soit le modèle standard de la physique des particules, soit le modèle standard de la composition du Soleil, à cause de l'observation d'un flux de neutrinos en provenance du Soleil qui était plus faible que ce qui avait été prédit par la théorie. Et donc, en fait, la solution de ce mystère qui a duré pas mal d'années était que le neutrino, que le modèle standard était faux, en tout cas, cette partie du modèle standard était fausse, et que les neutrinos devaient avoir une masse. Et cette masse permet aux neutrinos d'osciller. Donc, on a, comme Antoine l'a dit, trois neutrinos, trois grandes familles de neutrinos, neutrinos électroniques, neutrinos muoniques et neutrinos tauiques. Et en parallèle de ça, on va avoir trois neutrinos, qu'on va appeler des étapes propres de masse, qui, eux, vont avoir une masse et qui vont permettre de construire, d'une certaine façon, des neutrinos de saveur qu'on va pouvoir détecter, électroniques, muoniques ou tauiques. Et donc, un neutrino, en fait, n'a pas une identité à proprement parler. Cette identité va changer quand le neutrino va se déplacer dans le temps et dans l'espace. Si je résume, et je vous laisse me corriger si c'est faux ou si c'est trop grossier, mais on peut dire que ces oscillations font en sorte que le neutrino change de saveur, c'est-à-dire que ça le fait passer finalement d'un saveur, d'un état, c'est-à-dire électronique, muonique ou tauique, à un autre au fur et à mesure de ses déplacements. C'est ça, d'une famille à une autre. D'une famille à une autre, voilà. Vous l'avez dit, Gwenaëlle de Wessège, les neutrinos ils viennent du Soleil, mais qu'est-ce qu'ils produisent? Ils sont produits comment ces neutrinos? Ils sortent d'où? Parce que les particules, on comprend bien d'où elles viennent, ce qu'elles sont, comment elles sont produites, mais les neutrinos, comment qu'est-ce qui les émet? Gwenaëlle de Wessège. Alors, le neutrino étant une particule maintenant, comme Antoine l'a dit, assez commune du modèle standard, on comprend bien aussi aujourd'hui comment il est produit. Et en fait, pendant que je vous parle, pendant qu'on vit, des milliers de neutrinos vont traverser notre corps, et étant donné que ils interagissent très peu, on ne s'en rend pas compte. Donc des neutrinos peuvent effectivement être produits dans le cœur du Soleil suite à des réactions nucléaires qui font que le Soleil est une étoile. Mais on va trouver des neutrinos dans beaucoup d'autres phénomènes, notamment dans des sources astrophysiques qui vont créer potentiellement des neutrinos de plus haute énergie ou des neutrinos de plus basse énergie, comme par exemple dans l'explosion d'une supernova. Dans l'atmosphère, suite à la collision de rayons cosmiques de très haute énergie, qui vont collisionner avec des particules de notre atmosphère terrestre. Mais également, on peut également produire les neutrinos via, par exemple, des accélérateurs de particules. Est-il vrai que non seulement nous sommes en permanence ici sur Terre, au moment où nous parlons, bombardés de millions, peut-être de milliards de neutrinos au centimètre carré, et que nous-mêmes nous en émettons quelques-uns, Antoine Kouchner? Oui, de milliards en effet, on est bombardé par des milliards de neutrinos qui viennent du Soleil. Et on en produit également parce que nous avons à l'intérieur de notre corps du potassium avec un élément, un isotope radioactif, le potassium 40. Et donc on produit par une désintégration qu'on appelle une désintégration bêta des neutrinos. Et d'ailleurs c'est important de parler de la désintégration bêta parce que c'est comme ceci qu'on a mis en évidence pour la première fois les neutrinos. Et vous savez peut-être qu'il a fallu 25 ans entre le postulat de l'existence des neutrinos et leur découverte au travers de désintégrations bêta dans les réacteurs nucléaires. L'idée étant venue à Wolfgang Pauli au départ, simplement en étudiant cette désintégration bêta où on n'observait pas de neutrinos, mais on observait une énergie manquante. Et il a postulé l'existence, pour sauvegarder le principe de conservation de l'énergie, d'une particule qui échappe à la détection, le neutrino donc, et qui échappe à la détection, mais qui du coup emporte une partie de l'énergie sans qu'on le voit, et qui résout le problème de la conservation de l'énergie. Mais 25 années ont été nécessaires parce que c'est tellement difficile de les mettre en évidence qu'il a fallu construire les détecteurs adaptés d'une part et se mettre auprès de sources très intenses. Alors justement, comment est-ce qu'on détecte une particule qui est par essence quasiment indétectable et qui réagit quasiment avec rien, Antoine Kouchner? Donc c'est toujours effectivement au travers de son interaction avec la matière ordinaire. Et pour ce qui concerne les neutrinos, on parle donc de l'interaction faible, c'est-à-dire de l'échange de deux particules qui sont médiatrices de cette interaction, qu'on appelle les bosons Z et W, qui ont été produits sur Terre auprès de collisionneurs notamment au CERN. Et ces produits d'interaction associent justement le neutrino à l'un des membres de la famille que j'évoquais tout à l'heure, qui est le lepton chargé. Donc un neutrino électronique qui va interagir, va produire par exemple un électron. Et cet électron va ensuite pouvoir être détecté dans nos détecteurs. Et c'est donc toujours un processus indirect, mais ce sera la même idée pour le neutrino muonique qui va produire un muon qu'on va détecter, et le neutrino tauique qui produira un tau qui échappe un peu plus à la détection parce qu'il se désintègre extrêmement rapidement, mais qui engendre des produits de désintégration qu'on peut détecter. Gwenaëlle de Wessel, je voulais ajouter quelque chose sur les détections. À quoi ressemblent les détecteurs de neutrinos? On a souvent posté des images, c'est des machines assez surprenantes à voir. J'allais le dire. Le neutrino a vraiment, alors comme d'autres particules, mais le neutrino a repoussé les limites de ce que l'homme ou la femme était capable de faire d'un point de vue ingénierie et d'un point de vue développement de détecteurs. Donc, alors pour vous donner une idée, un exemple très concret, le détecteur pour lequel Antoine et moi travaillons, les détecteurs sont immergés au fond de la mer Méditerranée parce qu'on a besoin d'un volume très grand. Dans ce cas-ci, d'eau, pour nous permettre de voir ces détecteurs. Donc, on doit aller placer des senseurs qui vont nous permettre de détecter le résultat de l'interaction d'un neutrino avec l'eau, afin de pouvoir voir ce neutrino. Pour citer d'autres types de détecteurs, donc on parlait d'ANITA, où là on a un ballon gigantesque qui transporte des antennes radio. On a également le détecteur IceCube, donc je pense qu'on va on reparlera plus tard, qui lui n'est pas enfoui, immergé dans la mer comme Antares ou KM3Net pour lesquels nous travaillons, mais qui va être enfoui dans la glace du pôle sud. Et finalement, peut-être à plus basse énergie, on peut aussi mentionner des détecteurs tels que Super Kamiokande ou Kamiokande, son prédécesseur, qui eux vont être construits d'un bout à l'autre par les hommes afin de détecter ces neutrinos. Donc ils vont avoir une taille un petit peu plus petite et vont donc avoir une sensibilité potentiellement un peu plus faible en fonction de la gamme d'énergie. Super Kamiokande, Kamiokande qui sont des détecteurs japonais, hein, je crois les deux, et on va vous mettre des images de ces détecteurs de neutrinos qui sont effectivement très très impressionnants et qui sont des équipements assez fascinants. Peut-être que justement, si on veut commencer à se rapprocher un peu de l'Antarctique, déjà pourquoi est-ce qu'on détecte plus, ou est-ce que l'Antarctique est un milieu plus favorable à la détection de neutrinos, et quelle différence entre ANITA à 37 km ballon à 37 km d'altitude et IceCube qui est enterré sous la glace. Est-ce qu'on cherche la même chose? Est-ce que c'est les mêmes méthodes de détection, Antoine Kouchner? Non, ce ne sont pas les mêmes méthodes de détection. On cherche dans les deux cas des neutrinos, mais en fait, on cherche des neutrinos d'énergie différente. Et c'est bien normal, hein. On est dans un cadre où on fait de l'astronomie avec des neutrinos, c'est-à-dire ce qu'on cherche à savoir, à observer, ce sont des neutrinos qui viennent du cosmos. Et comme dans une astronomie plus traditionnelle, il faut explorer toute la gamme d'énergie ou toutes les gammes de longueur d'onde, hein, quand il s'agit des photons, pour exploiter au mieux les informations qu'on peut avoir de sources cosmiques. Donc c'est ici des détecteurs qui sont sensibles à des gammes d'énergie différentes. ANITA, le ballon, étant sensible à beaucoup plus haute énergie, il a vraiment pour objectif, en principe, de repérer des neutrinos qui ont une énergie dont on pense qu'il est difficile de la produire au sein des sources astrophysiques. Et donc, ce qui est recherché ici, c'est plutôt les produits d'interaction de particules effectivement accélérées à des énergies extrêmes, des noyaux d'atomes, qui interagissent avec ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, ce relique micro-ondes du Big Bang. Et cette interaction va créer, un peu par les mécanismes qui ont été évoqués par Gwenaëlle, des neutrinos secondaires, de très haute énergie. Et c'est ces neutrinos secondaires que ANITA essaye de regarder. Je précise que le but est très important parce que l'intensité du flux potentiel de neutrinos secondaires que va pouvoir détecter ANITA, hein, ces neutrinos on les appelle cosmogéniques, va nous donner des éléments d'information sur la composition des rayons cosmiques de ultra haute énergie. Qui ont des énergies quasiment macroscopiques dans des entités qui sont toutes petites et dont on a du mal à comprendre comment les sources astrophysiques peuvent les accélérer. Et on ne sait pas si ce sont des protons ou si ce sont des noyaux plus lourds. C'est un mystère qui est vieux d'un siècle. Et donc, c'est un des éléments qu'ENITA essaye d'apporter. À plus basse énergie, IceCube a une méthode de détection plus différente qui est fondée sur l'observation de la lumière induite par les interactions plutôt que les ondes radio. La lumière dans le visible. Mmh. Alors si... Bien sûr, allez-y, Gwenaëlle Ouessège. Si je peux rebondir sur ce qu'Antoine vient de dire, l'intérêt d'aller en Antarctique est un peu différent dans le cadre d'ENITA et dans le cadre d'IceCube. Comme Antoine l'a dit, ENITA va détecter en fait des ondes radio qui vont être émises suite à l'interaction d'un neutrino de très très haute énergie avec la glace. Alors, c'est sûr que si on essaie de détecter des ondes radio, c'est mieux que de le faire dans un environnement calme, qui soit dépourvu d'antennes et d'émissions de l'homme le plus possible. D'où l'intérêt d'aller faire voler un ballon au-dessus de l'Antarctique, puisque, comme on le sait, c'est un continent qui est très peu peuplé, avec zéro habitant domicilié, si je peux dire, en Antarctique. L'intérêt d'IceCube, lui, qui est à beaucoup plus basse énergie, d'aller en Antarctique, c'est parce que, comme je l'ai dit, il était enfoui dans la glace, c'est juste parce que la glace est transparente et qu'on va pouvoir construire un détecteur énorme, donc IceCube fait 1 km cube en utilisant cette glace transparente. Et là, donc, on est plutôt sur une motivation qui est similaire à celle d'aller dans la mer Méditerranée, finalement. Mais alors, du coup... Si vous me permettez... Bien sûr, Antoine Kouchner, je vous en prie. Parce que je me sens un peu obligé, parce qu'en effet, IceCube, c'est le même principe de détection que ce qu'on a construit en mer Méditerranée avec le télescope de première génération Antares. Et la raison pour laquelle nous, on insiste sur l'idée d'aller dans les abysses, c'est parce qu'en fait, la lumière qui est engendrée donc, par les particules chargées qui sont produites par l'interaction des neutrinos, cette lumière diffuse moins. Et donc, du coup, par ce processus indirect qui... nous impose de reconstruire la trajectoire du neutrino, on va avoir une meilleure précision de pointée. C'est quand même fondamental si on veut faire de l'astronomie, parce que c'est notre but, on veut rechercher des sources cosmiques. Et donc on pense que instrumenter l'eau de mer, ça va fournir un meilleur pouvoir de pointage, une meilleure résolution angulaire, que dans la glace où la lumière diffuse davantage. Mmh. Simplement, ça a été très difficile. Au départ, tout le monde voulait aller dans l'eau de mer, les Américains y compris. Mais ça a été très difficile de construire ces premiers détecteurs. Disons qu'on a été en Europe un petit peu plus persistant dans nos efforts. C'est-à-dire que si je résume, effectivement, justement à cause de l'obscurité, de ce pouvoir non diffracteur de l'eau de mer, ça permet effectivement d'avoir des trajectoires plus précises et donc des angles plus précis qui permettent de viser, de retrouver la source des neutrinos que vous essayez d'étudier, c'est cela ? Exactement, oui. Et alors, une question tout de même, Antoine Kouchner, vous disiez, ces neutrinos de très haute énergie, puisque c'est eux qui vont nous intéresser en l'occurrence, pour le moment, on ne sait pas quel type d'objet astrophysique peut les accélérer, leur donner cette énergie-là. Il y a même les objets astrophysiques qui dégagent le plus d'énergie que l'on connaît, je ne sais pas, les blazars, les quasars, les supernovas, tout ça, ça n'est pas, normalement, ça n'est théoriquement pas suffisant pour augmenter des neutrinos à cette énergie-là. Alors, pas tout à fait, simplement, justement, les énergies qui sont en jeu pour le détecteur ENITA, c'est vraiment pousser les choses à l'extrême. En revanche, on a tout plein de suspects possibles pour les sources astrophysiques qui peuvent accélérer des rayons cosmiques et engendrer des neutrinos à des énergies accessibles par IceCube et par Antares. Et je dirais même que c'est par là qu'il faut commencer, parce que ces flux de particules sont des flux qui décroissent très intensément avec l'énergie. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus de neutrinos d'énergie qui restent très hautes. On parle du domaine du téraélectronvolt. C'est énorme, mais c'est beaucoup moins que les énergies d'ENITA. Mais donc là, on aura un flux plus important. Et on sait que dans le rayonnement électromagnétique, à des énergies semblables, on voit des sources. Et donc, on voudrait savoir si on peut croiser les détections entre neutrinos d'énergie de cette gamme-là avec, par exemple, les ondes électromagnétiques ou des sources qui émettent des ondes gravitationnelles. Donc on est dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'astronomie multimessager, et c'est une astronomie qui est plus évidente à faire avec les neutrinos d'énergie auxquels est sensible Antares et IceCube. Et on reparlera bien entendu de cette astronomie multimessager et de la façon dont ces particules, ces neutrinos nous permettent de voir, de viser, de chercher à travers plusieurs signes et plusieurs indices bien un certain nombre de traces astrophysiques. On va en reparler dans un instant et puis on va surtout reparler bien de ces deux détections de neutrinos à très haute énergie et de l'étrange angle que Anita a pu détecter et pourquoi pas des hypothèses que l'on peut en inférer. À l'inverse du pôle sud de la musique islandaise, de l'autre côté de la planète, Ólafur Arnalds et Nanna Bryndís Ilmarsdóttir pour Particles sur France Culture à 16h35. De particules, c'est ce dont il est évidemment question tout au long de cette heure, puisque nous parlons de neutrinos de haute énergie, notamment de la détection de deux d'entre eux, de deux signaux un peu compliqués à interpréter, dont nous allons justement évoquer bien les hypothèses qu'ils peuvent ouvrir. Nous en parlons avec Gwenaëlle de Wessege, qui est post-doctorante au laboratoire astroparticules et cosmologie affilié à l'Université de Paris et membre de l'expérience KM3Net, et Antoine Kouchner, qui est également professeur à l'Université de Paris, directeur du laboratoire APC et membre de l'Institut universitaire de France. Alors, maintenant qu'on a un peu fait le tour et qu'on comprend bien ce que sont ces neutrinos et ce que sont les différents détecteurs, quel type de neutrinos ils sont en mesure d'identifier, peut-être qu'on peut revenir sur ces deux impulsions radio parfaitement énigmatiques, qui ont été détectées donc par le ballon Anita, à un niveau énergétique extrêmement élevé pour une particule, puisqu'on parle de 0,5 hexa-électronvolts, c'est 500 000 téra-électronvolts, pour donner un ordre de grandeur. Aujourd'hui, le LHC, le Grand Collimateur de Hadron à Genève, arrive à accélérer des particules jusqu'à 14 téra-électronvolts au maximum. Donc vous voyez qu'on est très très très haut en énergie. Peut-être un petit mot sur ces signaux, ce qu'on peut en dire, avant de passer à l'interprétation, en tout cas, Gwenaëlle de Wessege. Alors, je pense que vous avez très bien résumé ce qu'Anita a vu. Effectivement, c'est deux impulsions radio, donc on parle d'impulsions très courte qui, reconstruite, mènerait à des énergies colossales pour ces neutrinos. Alors, c'est important de préciser ici, parce que c'est vraiment au cœur du problème, que ces événements ont été reconstruits comme ayant un angle d'incidence de 25 à 30 degrés en fonction de l'événement sous l'horizon. Donc, c'est vraiment un événement qui viendrait de la Terre, qui sortirait de la glace potentiellement dans cette hypothèse neutrino. Alors, comme on va sans doute en parler un peu plus tard, il y a d'autres explications qui pourraient expliquer, qui pourraient motiver cet angle d'incidence. Mais, et donc, Bien sûr. Donc, la raison pour laquelle ces détections aujourd'hui constituent un sujet de discussion, c'est qu'il y a eu deux événements, comme vous l'avez dit, qui ont été détectés par deux ballons ANITA différents. Donc, au total, il y a eu 5 vols ANITA pour l'instant, à chaque fois pendant l'été austral. Et donc, un des premiers événements a été détecté avec ANITA 1. En 2006 et le second avec ANITA 3 en 2014, avec des caractéristiques de ces événements semblables, à la fois l'énergie reconstruite et à la fois l'angle d'incidence, d'où l'intérêt d'essayer de les expliquer de façon conjointe. Antoine Kouchner. Oui, je voulais juste faire une petite précision. Des événements comme ceux-ci qui ont une direction montante, ANITA en voit d'autres parce que ce que voit ANITA, c'est pas mal de rayons cosmiques qui viennent bombarder l'atmosphère et qui sont donc rasants mais plutôt descendants, qui créent un signal radio. Mais ce signal radio, il est réfléchi sur la glace. Et en fait, cet effet de réflexion, de miroir, inverse la polarité du signal. Et ça permet de dire, bon, on voit quelque chose de montant, mais cette inversion de la polarité, ça signe en fait une trajectoire de particules qui, au départ, est descendante. Or, c'est pas le cas des deux neutrinos anormaux dont on parle, enfin des deux événements anormaux dont on parle, puisqu'ils n'ont pas cette inversion de polarité. Donc, ils ont juste une trajectoire remontante, mais pas le signe caractéristique qui viennent en fait d'un bruit de fond atmosphérique. D'où la certaine excitation qu'ils engendrent. Oui, alors parce que ce qu'il faut préciser, c'est que donc, effectivement, j'allais vous poser cette question-là, ça ne peut pas être, a priori en tout cas, il a été écarté le fait que ce soit un signal justement qui rebondit, comme vous venez de l'expliquer, mais donc on a ANITA en Antarctique, il y a Ice Cube qui est pas très loin. Normalement, quand on trouve ce genre de signal, on essaye de le corréler à une autre observation, d'ailleurs d'Ice Cube ou d'autres détecteurs sur la planète. Qu'en est-il justement, Antoine Kouchner? Est-ce qu'on a réussi à faire la paire, c'est-à-dire à dire cet événement, il a aussi été repéré ou entendu ou signifié quelque part ailleurs? Voilà, effectivement, ils ont essayé de croiser un certain nombre de ces événements avec d'autres observations. Et il y a eu en effet un article récent de la collaboration Ice Cube, qui est à mon sens un petit peu académique. Ils se sont dit, dans la direction des deux événements d'ANITA, donc aux antipodes de la Terre, y a-t-il un signal de neutrinos à plus basse énergie qui pourrait être concomitant en termes de direction, et donc nous dire si ces deux événements viendraient d'une source astrophysique qui serait vue par ailleurs par Ice Cube. Mais ils ne l'ont pas vu, d'une part, et d'autre part, je dirais que si tel avait été le cas, on n'en resterait pas moins avec un gros problème, parce que on devrait dire, alors oui, les deux événements d'ANITA viennent d'une source astrophysique, sauf qu'ils ont une énergie telle qu'en fait ils ne peuvent pas traverser la Terre. Donc on reste quand même avec un très très gros souci qu'il faut expliquer dans tous les cas par une théorie nouvelle. C'est là, c'est bien, on va le repréciser pour les auditrices et les auditeurs qui n'étaient pas là au tout début de cette émission. Le problème de cette détection, c'est qu'effectivement, à ce niveau d'énergie, Gwenaëlle de Wessège, normalement, ces neutrinos, eh bien, ils auraient dû largement, puisqu'on parle, moi, alors vous disiez 5000 km, moi, d'après les papiers que j'ai consultés, c'est, d'après l'angle, on estime que la distance traversée de la croûte terrestre serait de 7000 km. C'est strictement impossible en physique des particules telle qu'on la comprend aujourd'hui à ce niveau d'énergie, ces neutrinos auraient dû être absorbés par la croûte terrestre. Alors effectivement, donc pour un événement, on va être plus aux alentours de 5700, pour l'autre 7200, en fonction de la corde de Terre traversée. Et donc, comme vous le dites, la probabilité d'interaction décrite par le modèle standard veut que ces neutrinos aient une, alors on appelle ça la longueur moyenne d'interaction à cette énergie-là, qui va être plus ou moins de 1600 km équivalent haut. Alors, les kilomètres équivalent haut, donc si on n'avait pas de la Terre, les différentes couches terrestres, mais de l'eau, ça se compare avec la distance traversée par que ces événements auraient dû traverser, 20 000 km équivalent haut. Donc en gros, ces événements avaient une probabilité d'un sur un million de pouvoir effectivement traverser la Terre, étant donné leur énergie. Donc on voit là que c'est vraiment quelque chose qui est assez peu probable pour expliquer ces deux détections d'événements dans Anita. Ce qui nous amène aux hypothèses. Alors les hypothèses, comme toujours, hein, on part du rasoir d'Occam, c'est-à-dire le plus évident. Est-ce qu'il ne s'agirait pas tout simplement d'erreurs de mesure, d'une anomalie dans le relevé? Le plus simple, en tout cas, pour expliquer ça. Antoine Kouchner. Donc, erreur de mesure, je ne pense pas. Je pense que, évidemment, beaucoup de vérifications ont été faites au niveau du détecteur. En revanche, erreur peut-être, ou méconnaissance, je dirais plutôt, du volume que le détecteur essaye de sonder. Ça me semble tout à fait probable, et il y a beaucoup d'articles qui sont sortis suite à la publication de ces événements, certains expliquant que ce pourrait être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une réflexion sur la glace du signal radio, mais une réflexion sans inversion de la polarité, pour des raisons qui semblent être possibles de justifier, peut-être avec une sous-réflexion dans la glace, peut-être parce que la glace aurait des inhomogénéités, et donc un certain nombre de vérifications ont été faites pour voir s'il était possible d'avoir des réflexions sans inversion de polarité. Donc ça, c'est une première chose. D'autres disent que ça pourrait être une origine accidentelle, humaine. C'est-à-dire qu'il faut voir quand même, Anita est en train de couvrir une surface au sol de détection de l'ordre du million de kilomètres carrés. Et donc, pour être sûr que dans ce million de kilomètres carrés, il n'y a pas un facteur humain qui déclenche un phénomène transitoire radio. Par exemple, Gwenaëlle, quand elle était au pôle sud, il faut quand même un degré de certitude important. Donc ça pourrait être ceci. Il y a tout un tas d'autres explications avec des phénomènes atmosphériques qui sont beaucoup moins folkloriques en termes de modèles de physique des particules, qui sont tout à fait classiques, mais pas compris pour le moment. J'espère que vous n'êtes pas en train de nous dire que ça pourrait être la faute de Gwenaëlle de Wasatch tout de même. Gwenaëlle, rassurez-nous, ça ne peut pas être votre faute. Elle va nous dire. Non, j'y étais pas à ce moment-là et effectivement. Non, effectivement, je pense que ce n'est pas ma faute cette fois-ci. mais pourquoi? Pour compléter, c'est vrai que vous le disiez, on commence par l'hypothèse la plus probable. Je compléterais en disant, et ça rejoint ce qu'Antoine disait, que voilà, il y avait peut-être trois séries, trois groupes de possibilités pour expliquer ces événements. D'abord, voilà, une erreur systématique qui serait due à une mauvaise modélisation, une mauvaise compréhension de l'environnement, ce qui est ce qu'Antoine a parlé, de la nouvelle physique. Ce qui est, je suppose, ce dont on va parler dans quelques instants, et une hypothèse astrophysique qu'Antoine a déjà couvert également, où là, bon, peut-être qu'on avait aussi besoin de nouvelles physiques. Mais donc, le principe, c'est qu'on va essayer de refermer les portes et de voir ce qui reste. Mais c'est vrai qu'entre une mauvaise compréhension de l'environnement, de réflexion dans la glace, etc., ou la nouvelle physique, ce n'est pas avec deux événements qu'on va pouvoir tirer une conclusion. Alors, on va justement s'intéresser à cette hypothèse qui a valu ce titre, hein, sur cet anti-univers qui remonte, cet univers parallèle qui remonte le temps au New Scientist. Qu'est-ce que ça postule, en fait? Comment est-ce qu'on fait le lien entre cette double détection et l'idée que, bien d'un seul coup, il faut peut-être revenir et réexpliquer un peu ce qui se passe, c'est-à-dire l'idée d'un seul coup qu'il puisse y avoir, depuis le Big Bang, une sorte de symétrie dont on connaît bien, on a déjà parlé dans cette émission, on y avait consacré une heure entière à la symétrie CPT, mais qu'on pourrait avoir un anti-univers qui serait symétrique d'une autre, bien un peu comme on a cette symétrie qui est jusqu'à présent et jusqu'à preuve du contraire toujours respectée au niveau des particules. Antoine Kouchner. Oui, alors effectivement, c'est une sorte de coïncidence heureuse sur l'énergie des événements détectés par Anita, qui met aujourd'hui en lumière le modèle que vous évoquez, parce que c'est un modèle qui a été développé indépendamment, hein, qui précède cette détection. Et il y a tout un tas de modèles cosmologiques qui essayent d'expliquer les observations actuelles. Et là, on rentre dans un champ cosmologique assez compliqué. Mais enfin, en gros, il faut essayer d'expliquer l'univers tel qu'il est, avec la prévalence de la matière sur l'antimatière, d'une part, et avec la matière noire, qui est évidemment quelque chose que les auditeurs connaissent. Mais donc, il faut qu'on essaye d'expliquer tout ça. Et donc, les théoriciens font des modèles. Dans le modèle qui est évoqué ici, il y a une certaine élégance à vouloir conserver la symétrie CPT que vous avez évoquée, parce que c'est quelque chose que, dans notre univers, on constate. Cette symétrie n'est pas violée. Et le Big Bang, d'une certaine façon, viole cette symétrie. Donc là, il nous est proposé une symétrie qui ne serait pas violée avec un modèle où en fait, eh bien, en parallèle du développement de notre univers, il y aurait un anti-univers fait d'antimatière qui se développerait. Et il serait l'image, par une opération, une transformation de CPT, c'est-à-dire, en gros, l'image, une image dans le miroir, et puis toutes les particules deviennent des antiparticules, et on inverse également le temps. Voilà, on aurait deux univers comme ça qui sont parallèles. Alors, malheureusement, c'est deux univers qui ne se croisent pas du tout, ni dans le temps, ni dans l'espace. On peut dire qu'ils habitent dans des nappes différentes de l'espace-temps, donc il n'y a aucune chance pour qu'on puisse les croiser et le vérifier. En revanche, dans le cadre de ce modèle, il y a des particules qui sont créées. Et je me permets de dire qu'effectivement, tous ces nouveaux modèles, ces modèles qui essayent d'expliquer la matière noire, la prévalence de la matière sur l'antimatière, ce sont en général des modèles qui introduisent des nouvelles particules. D'où le lien entre la cosmologie et la physique des particules. Et les auteurs de ce modèle-ci sont assez satisfaits par le fait qu'ils n'ont à introduire que trois nouvelles particules. Alors, vous pourrez me dire que, bon, par ailleurs, ils ont quand même à introduire tout un anti-univers parallèle, ce qui n'est pas rien. Mais c'est vrai qu'ils n'introduisent que peu de particules au regard, par exemple, d'une supersymétrie où chaque particule a un super partenaire, etc. Qui est de masse beaucoup plus importante. Peut-être qu'on peut redire, je vais juste le redire rapidement, et on va vous mettre le lien sur le fil Twitter pour vraiment comprendre ce que c'est que cette symétrie CPT, l'invariance de Lorentz, tout ça. On avait passé une heure dessus, donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de tout réexpliquer, mais juste pour vous dire que il y a une symétrie fondamentale en physique des particules qui s'appelle la symétrie CPT. C, c'est pour la charge, c'est-à-dire que on peut associer toute particule à son anti-particule, l'électron et le positron par exemple. P, c'est pour la parité, c'est-à-dire qu'on peut associer toute particule à son image dans un miroir. Le neutrino droitier et gaucher, par exemple. Et T de temps, puisque, normalement, on peut théoriquement renverser le sens du temps, c'est-à-dire faire des opérations constituant à changer T en moins T, théoriquement, puisque, évidemment, ça, pour le coup, dans la réalité, on n'a pas encore trouvé le moyen de faire revenir le temps ou de faire changer de sens la flèche du temps. Mais c'est peut-être là-dessus qu'on peut rebondir. Juste, de si vous me permettez, oui, Antoine Kouchner, je vais juste vous dire le lien avec Anita. Cette coïncidence heureuse, c'est que parmi ces trois particules qui sont créées dans le modèle, l'une pourrait être stable, quasiment stable, et donc perdurer encore aujourd'hui, avec une masse grande. Et cette particule, justement, alors, se trouve être ce qu'on appelle un neutrino stérile, très massif, et c'est elle qui serait dans la Terre, qui se serait désintégrée, et aurait fourni le signal désintégré en une particule du modèle standard, le neutrino tau, qu'aurait vu Anita. Et là où il y a ce petit miracle, c'est que si on veut expliquer la matière noire aujourd'hui, eh bien il faut que cette particule ait une masse qui soit justement similaire à l'énergie des événements détectés par Anita. D'où le support qu'apporte cette détection à ce modèle. Gwenaëlle de Wessège, un mot là-dessus, parce qu'effectivement on peut rajouter qu'effectivement ce neutrino stérile, c'est l'un des candidats putatifs évidemment, mais l'un des candidats sérieux en tout cas à l'explication de la matière noire, dont pour le moment qui reste encore très hypothétique, enfin très réel en théorie, mais très hypothétique en observation. C'est vrai que ce modèle est très élégant, comme l'a dit Antoine. Tout semble très bien s'imbriquer, à la fois le fait que la masse de cette particule additionnelle dans leur modèle coïncide avec l'énergie détectée ou reconstruite par l'expérience Anita. Cependant, j'apporterai peut-être une toute petite ombre au tableau dans ce cas-ci, c'est que pour expliquer l'angle d'incidence de ces événements, il faudrait quand même une distribution dans la Terre, une distribution de matière noire assez atypique par rapport à ce qu'on considère habituellement pour la recherche de matière noire en provenance du centre de la Terre. Comment ça, pourquoi assez atypique ? Alors, c'est le modèle qui le veut comme ça, pour expliquer qu'il y ait deux événements vus d'un même angle et pas vus du centre de la Terre, où c'est habituellement l'endroit où on va s'attendre à avoir potentiellement le plus de particules de matière noire qui ont été piégées gravitationnellement lorsqu'elles elles ont rencontré la Terre, elles ont été piégées suite à des collisions avec les atomes de la Terre. Ici, on a besoin de quelque chose qui est un petit peu différent des hypothèses commune, si je puis dire, pour expliquer cet angle d'incidence de 25-30 degrés. Mais qui va en fait avec le modèle lui-même, parce que d'une certaine façon, si vous mettiez cette matière sombre au cœur de la Terre et que vous émettiez par une désintégration de cette particule lourde un neutrino tôt, il aurait bien du mal à s'échapper lui aussi. Donc vous êtes vraiment obligé de le mettre proche de la surface. Donc ça, c'est un petit peu ad hoc tout de même. Si pour conclure sur cette hypothèse, donc on peut dire que une fois n'est pas coutume, The New Scientist a peut-être un peu surtitré ou en tout cas essayé de survendre un peu son article, mais néanmoins c'est intéressant parce que le cosmologiste qui est à l'origine de cette hypothèse qui s'appelle Neil Turok reconnaît lui-même, hein, puisqu'il a publié dans une revue qui s'appelle Physical Letters, il reconnaît lui-même que son modèle nécessite beaucoup de travail, qu'il est encore très, pour tout séduisant qu'il est, il est encore évidemment très hypothétique et très instable, Antoine Kouchner. Oui, peut-être. En tout cas, ce sont des gens tout à fait sérieux et respectables. Ça, c'est absolument certain. Ce qui plaît beaucoup aux expérimentalistes que nous sommes, c'est que c'est un modèle qui offre des prédictions. Alors, encore une fois, il n'est pas question de pouvoir croiser cet anti-univers, mais en revanche, on peut essayer de contraindre l'existence de cette particule très massive qui est ajoutée dans le modèle. Et d'ailleurs, on vous remercie d'une certaine façon, Gwenaëlle et moi, parce que en relisant un peu les articles, on a eu des idées pour voir si avec les données d'Antares et d'Ice Cube, on pourrait pas contraindre justement la présence de ces neutrinos au cœur du Soleil. Mais je ferme la parenthèse, il y a d'autres prédictions qui sont possibles, et notamment le modèle impose que les neutrinos légers, c'est-à-dire ceux qu'on connaît, hein, les neutrinos des trois familles que j'ai évoquées, parmi ces trois-là, il y en a un qui ait une masse nulle. Ça, c'est nécessaire si l'on veut rendre stable ce neutrino très lourd, stérile. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut tester. Il y a des expériences en cours pour le faire. On peut le tester soit par des approches cosmologiques, soit en essayant de mesurer la masse des neutrinos. Donc ça, c'est assez bien, c'est plaisant, on peut le faire. Et il y a d'autres choses qu'on peut essayer de tester. Le modèle évoque, par exemple, une absence de ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles primordiales qui seraient émises dans les premiers temps du Big Bang. Et donc, il n'y en aurait pas. Or, il y a des expériences qui recherchent l'empreinte de ces ondes gravitationnelles primordiales sur ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, hein, le fond de rayonnement de photons, qui est la trace du découplage de ces photons avec la matière. Et donc ça, ce sont des expériences modernes en cours. Et donc, il est toujours plaisant pour nous d'avoir des possibilités de tester ce modèle ou de l'infirmer tout simplement en observant pas ce qu'il prédit. Et du coup, on espère bien que si vos expériences vous permettent d'arriver à la conclusion qu'il y a de ce type de trino, peut-être pas stérile, mais en tout cas de haute énergie produite par le Soleil, on sera les premiers à être prévenus et à pouvoir en reparler à ce micro. Peut-être pour conclure, pour sortir de cette hypothèse, alors non, juste un dernier mot sur cette hypothèse quand même, c'est donc l'idée, alors tout ça évidemment très séduisant intellectuellement et pas uniquement scientifiquement pour les gens qui sont un peu amateurs de science dure et un peu plus de science-fiction. Ça voudrait dire que, si je résume les choses, au Big Bang, donc deux univers, un qui va dans le temps qui est le nôtre et qui suit cette flèche du temps de matière, un autre univers qui remonte la flèche du temps d'antimatière, c'est quelque chose comme ça? On peut le penser comme ça ou est-ce que c'est plus complexe à envisager, Gwenaëlle de Wessège? En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine moi-même. Et donc, voilà, c'est une idée effectivement très séduisante. C'est une théorie très élégante, simple, comme je pense le professeur Turok la qualifie lui-même, sans avoir besoin d'ajouter énormément de particules, si ce n'est un autre univers. Mais la beauté aussi, c'est qu'on a donc des prédictions à aller tester. Et ici, on a un candidat, une particule qui pourrait expliquer que nos événements et traverser la Terre sans être altérés dans son chemin, puisque la particule était déjà dans la Terre. Alors, il y a d'autres théories de nouvelle physique qui vont pouvoir remédier à cette traversée de 5000 ou à 7000 kilomètres de Terre sans être absorbée, comme par exemple la supersymétrie ou les actions, ou un neutrino stérile, mais qui existerait sans avoir besoin de créer un second univers parallèle. Est-ce qu'on peut attendre d'autres preuves observationnelles qui viendraient donner un peu plus de poids, peut-être pas une confirmation, mais un peu plus de poids à cette théorie, Antoine Kouchner ? Donc j'en ai évoqué quelques-unes. Disons que oui, on peut ajouter le fait que pour que ce neutrino supermassif stérile existe, il faut que les neutrinos légers soient leurs antiparticules. Ouais. Ce qu'on appelle les neutrinos de Majorana. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, justement. Ça fait partie des mystères des neutrinos dont on a dit au début de cette émission qu'on les connaissait bien, sauf qu'on ne sait pas s'ils sont leurs propres antiparticules. Et s'ils étaient leurs propres antiparticules, alors ça autoriserait des désintégrations qu'on appelle la double désintégration bêta sans émission de neutrinos. Et on essaye d'observer ça, et ça pourrait au moins valider le fait que les neutrinos sont leurs propre antiparticule, ce qui est nécessaire dans le modèle, mais qui ne le valide pas entièrement. Je me permets aussi d'apporter une petite critique de ce que j'ai compris du modèle, parce que dans la lecture de l'article du New Scientist, j'ai cru comprendre qu'on se débarrassait, grâce à ce nouveau modèle, de la question de la prévalence aujourd'hui de la matière sur l'antimatière dans notre univers. Parce qu'il y a une phrase qui laisse entendre que toute la matière est dans notre univers et toute l'antimatière est dans l'autre. Malheureusement, je ne crois pas que ce soit le cas quand on lit l'article de Boyle et collaborateurs, hein, c'est Turok. En réalité, on a quand même la matière et l'antimatière dans les deux univers. Il faut une asymétrie et il y a une section de l'article qui dit qu'on retombe là sur des théories qui sont les mêmes que celles qui sont déjà évoquées pour expliquer la prévalence de la matière sur l'antimatière, notamment des théories qui font appel aux neutrinos et à des phénomènes qu'on appelle la leptogénèse. Et c'est pour ça que je dirais que de toute manière, que ce modèle soit valide ou non, les neutrinos aujourd'hui sont une clé pour essayer de comprendre tous les mystères qu'on a dans notre univers aujourd'hui, qu'il y ait un anti-univers ou pas, expliquer la prévalence de la matière sur l'antimatière. Ça peut se faire grâce aux neutrinos. Et ça, c'est dit dans le papier de Turok, comme dans bien d'autres. Gwenaëlle de Wassege, un mot de conclusion. Eh bien, je dirais que il n'y a pas de solution à cette question. Elle reste ouverte. Et pour la résoudre, la solution, comme souvent en science, c'est d'avoir plus de données, un peu plus de temps et d'essayer de peaufiner encore les modèles de détection et les modèles théoriques qui prédisent et qui expliquent les observations vues. Et donc, c'est probablement la future génération de détecteurs, à la fois du type ANITA et à la fois du type IceCube ou Antares, donc, c'est-à-dire KM3Net, qui vont pouvoir résoudre probablement cette question ouverte. Merci infiniment à tous les deux. C'était passionnant de vous écouter. Merci beaucoup Antoine Kouchner. Merci Gwenaëlle de Wassege d'être venue nous parler de ce neutrino étrange de haute énergie et des hypothèses qui l'accompagnent. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Eve Etienne, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation et Lise-le à la technique. Demain, nous reparlerons de la fabrication de médicaments, mais la fabrication de médicaments assistée par ordinateur, ou comment l'intelligence artificielle peut être d'une aide précieuse dans la compréhension de l'action de nouvelles molécules. Ce sera demain à 16h, mais on se retrouve avant ça, vous en avez l'habitude maintenant, tous les matins à 8h55 pour la radiographie du coronavirus, évidemment jusqu'à preuve du contraire.